Il est 8h54, l'heure de retrouver le lumineux Jean-Pierre Luminet, notre astrophysicien qui nous conduit ce matin dans les stations spatiales Mir, Skylab ou encore l'actuelle ISS, la station internationale. 4, 3, 2, 1, lift off. À la fin des années 1960, deux objectifs se présentent aux explorateurs de l'espace. D'une part la Lune, qui est facilement accessible depuis la Terre après un voyage de 3 jours. D'autre part, faire vivre des hommes dans l'espace pour les préparer au vol de plusieurs mois, voire plusieurs années, vers la planète Mars. Les Soviétiques sont convaincus que cette dernière option est la plus importante sur le long terme, d'autant qu'ils doivent bien admettre leur défaite dans la course à la Lune. C'est ainsi qu'en 1971, en plein déroulement du programme Apollo, la Russie place discrètement en orbite terrestre un nouveau véhicule spatial du nom de Salyut, qui veut dire « salut ». Ce gros satellite de 19 tonnes, offrant un espace habitable de 100 mètres cubes pour 3 cosmonautes, est la première station spatiale orbitale. 2 ans plus tard, l'Amérique suit la même voie, en plaçant en orbite permanente le 3e étage de sa grande fusée lunaire Saturn V, rhabillée pour l'occasion en une station orbitale baptisée Skylab. Dans ces espaces réduits, les astronautes éprouvent le stress du confinement et de la promiscuité, aggravé par les malaises du début du vol en apesanteur et les difficiles conditions hygiéniques qui rendent invivables les séjours de longue durée. C'est avec le lancement de la station orbitale Mir en 1986 que les Soviétiques marquent un pas décisif dans les opérations de survie d'équipage. Avec l'arrimage de 5 modules, la station s'agrandit de façon importante. Et une quantité d'améliorations de tous ordres, comme la relève d'équipage, les cargos de ravitaillement, permet d'envisager des vols de plus de 6 mois. La station s'ouvre alors aux vols internationaux, dans lesquels les Américains prennent une part très active. Au final, Mir sera une grande réussite. Restée 15 ans en orbite, elle a accueilli 103 passagers appartenant à 13 nations et a permis de faire 23 000 expériences scientifiques dans l'espace. Mais avec le vieillissement de la station et l'effondrement économique de la Russie, Mir est abandonnée en 2000. Et elle se désintègre lors de son retour sur Terre l'année d'après. C'est alors que la NASA conçoit un projet de nouvelle station orbitale internationale, l'ISS. Son assemblage en orbite commence en 1998. Au cours du temps, différents modules lui sont ajoutés, mais suite à de nombreux problèmes techniques et budgétaires, sa construction ne s'achève qu'en 2011. L'ISS est le plus grand des objets artificiels placés en orbite terrestre. Elle s'étend sur 110 mètres de longueur, 74 mètres de largeur, 30 mètres de hauteur, à une masse d'environ 400 tonnes. Placée sur une orbite basse, comprise entre 350 et 400 km d'altitude, ce qui neutralise la gravité terrestre, elle offre une plateforme idéale pour la science de l'espace. Très interdisciplinaire, cette science inclut des domaines aussi divers que la microbiologie, la physique fondamentale, la biologie humaine, l'astronomie, la météorologie ou l'observation de la Terre. La Station spatiale internationale a cependant de nombreux détracteurs qui lui reprochent son coût, estimé en 110 milliards de dollars, que ne justifie pas forcément les résultats scientifiques obtenus ou espérés. Les partisans, eux, mettent en avant l'expérience acquise dans le domaine des séjours longue durée dans l'espace en vue de préparer les futures missions martiennes. Les activités de l'ISS devraient s'arrêter en 2024. Elle pourrait être remplacée par une station spatiale orbitale autour de la Lune. C'est un projet de la NASA pour la prochaine décennie, en coordination avec l'Europe, la Russie, le Canada et le Japon. Construite par petits bouts, elle servirait de relais pour s'aventurer plus loin dans le système solaire. Positionnée environ 1000 fois plus loin de la Terre que l'ISS aujourd'hui, elle ne serait cependant pas habitée en permanence, car autour de la Lune, les astronautes ne sont plus protégés par le champ magnétique de la Terre et ils sont exposés à des bombardements de particules potentiellement très dangereuses. Si l'homme veut se rendre un jour sur Mars, Il faut donc qu'il trouve un autre moyen d'apprendre à survivre plus d'une année dans un environnement spatial hostile. Pour ce faire, la Chine envisage plutôt la construction d'une base à la surface de notre satellite, un projet plus complexe à réaliser, mais probablement plus pertinent. À demain. À demain, Jean-Pierre Luminet pour une nouvelle chronique de l'espace réalisée par Christophe Imbert.